Allô ? Donc là, on est devant le palais de justice de Rouen et au rassemblement en hommage à George Floyd et contre les violences policières. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Bah, déjà, on est venu pour soutenir cette manifestation pour la mémoire de George qui est mort sous la violence policière et de dire que on est aussi avec eux dans ce moment de difficulté. Voilà. À peu près, c'est la même chose. Je suis venue pour soutenir la cause, mais pour aussi dénoncer toutes les injustices que subissent la communauté noire partout au monde. Et vu que ça nous touche directement, donc c'était nécessaire qu'on soit là. On a vu qu'à Paris, la manif qui était organisée par le comité Justice pour Adama, à l'initiative d'Assa Traoré, a réuni des dizaines de milliers de personnes. Et là, aujourd'hui, on voit dans la manif, il y a plein de personnes aussi, des jeunes, plein de personnes noires, arabes. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus de monde, en fait, que les manifs habituelles. Oui, mais bon, en fait, c'est pas un problème noir-arabe, c'est un problème d'un être humain, tout simplement, parce que nous sommes tous égaux, nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas question d'un noir ou des arabes. C'est juste pour dire qu'on est là, on a le droit de vivre comme tout le monde, quoi. Donc la manif pour Adama Traoré à Paris, c'était aussi une bonne chose parce que, à mon avis, il faut que la vérité éclate. Si les coupables sont là, il faut les punir. Et si vraiment si les faits sont là, il faut absolument les punir. Et ça sera aussi, ça peut être un exemple pour que ça s'arrête, quoi, finalement, parce que. Qu'est-ce que vous pensez des réactions des médias en France, la manière dont ils couvrent les violences policières dans les quartiers populaires actuellement? C'est vraiment lamentable. C'est lamentable. En fait, les médias, je pense qu'ils sont là juste pour l'appareil. Ils ne sont pas là pour le peuple, pour les gens. Parce qu'ils veulent montrer. Ce qu'ils montrent, ce n'est pas la réalité. C'est pas ça. La réalité de la France, hein, voilà. Il montre une certaine façon. C'est biaisé, quoi, comme information. Voilà. Vous venez de quelle ville de la métropole de Rouen? Vous êtes de Rouen même ou, Oui, Rouen je même. Suis de Rouen, oui. Oui, je suis. Moi, je suis de Marom. Marom, ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez dire quelque chose que je ne vous demande pas? Non, ça va, je pense que j'ai tout dit. Vous voulez dire quelque chose? Qu'on continue, la lutte continue, tant qu'il n'y aura pas la justice pour tout le monde, c'est pas question des races. Le livreur là qui s'est fait tuer sur Paris, c'est un blanc. Donc tout le monde doit se battre pour que tout le monde ait droit à la justice et voilà. Donc c'est tout. Est-ce que vous voulez laisser vos prénoms ou pas? Oui, moi c'est Roman. Vous voulez dire votre prénom? Moi c'est Maki. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne manif. Va pour torquer. C'est un foutu là. Ils t'ont dit, mais j'arrête ça. Ah, ça fume. Ça fume. Non, ils entendent ce que tu dis. Ah. Dis pas ça, wesh. On est là pour rendre hommage. À nos frères. Hommage et puis pour George Floyd. George Floyd. Qui t'a aussi ce soir. On est là pour que justice soit faite, en fait, parce qu'on en a marre du racisme. Exactement. Les blancs là, ils abusent. C'est pas normal. Yes, sir. Parce que c'est pas normal que ça arrive. Qu'on voit des différenciations entre les couleurs, les origines, c'est pas normal. On devrait pas, ça va, que les personnes de couleur racisées soient traitées de cette manière-là, en fait. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'ai rien à dire. Est-ce que vous venez d'habitude à des manifs ici ou pas? Pardon? D'habitude, est-ce que vous venez à des manifs ici ou pas? Sauf pour les gilets jaunes, non? On s'est fait gazer. Quand c'est pour un truc sérieux, quand c'est pour un sujet intéressant, voilà. Pas pour n'importe quoi. On n'est pas là. Là, comme c'est quelque chose qui concerne tout le monde, vaut mieux surtout être présent. Nous, ouais, parce que souvent, nous, on se fait. Voilà, on va pas dire les mots. Nous sommes là juste pour manifester, pas de bagarre, pas de violence. Il n'y a ni rien. On veut juste que justice soit faite. C'est pour montrer le soutien, en fait. Voilà. Et montrer l'unité aussi, parce qu'il n'y a pas que des personnes racisées, il y a des blancs aussi. Mais attendez. C'est juste pour montrer qu'on est là et que cette cause nous tient à cœur. Non. Tout ça, c'est la faute des policiers. Hein. Et vous voulez dire quelque chose? Alors, vous êtes avec deux enfants là, donc pourquoi vous êtes ici devant le palais de justice? Bah, nous on vient manifester pour nos enfants, pour leur avenir. Parce que moi aussi je suis mariée avec un Africain, une personne de couleur noire, mes enfants sont métis et donc on est impliqués. Et on est contre le racisme. Voilà. On se manifeste pour eux. Donc, contrairement à ce que disent les grands médias, c'est pas un problème qui est aux États-Unis? Non, c'est un problème qui existe depuis toujours. Mais bon, faut arriver à le régler un jour ou l'autre. Et malheureusement, voilà, quoi, on vit dans des pays où il y a plein de personnes de différentes origines. Et il faut arriver à faire évoluer les mentalités. C'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.